Le parcours d'une entreprise est une aventure. Parfois, tous les problèmes semblent vous tomber dessus en même temps. Pour surmonter ces difficultés, vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés qui vous guide, comme les conseillers Dell Technologies. Ils vous donnent tous les conseils pour vous aider à relever les défis auxquels vous êtes confrontés et arriver là où vous voulez aller en toute sécurité. Ah, contactez un conseiller Dell maintenant au 0801 800 001. Dell Technologies recommande Windows 10 professionnel pour les entreprises. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, New York, I Love Catastrophe, une série de Nicolas Champeau réalisée par Rafik Zénine. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce que ça fait 20 ans qu'un attentat terroriste a fait s'effondrer les tours jumelles à Manhattan en tuant 2753 personnes. Et aussi parce qu'après avoir vu les images des inondations provoquées par la tempête Ida, on repense aux New-Yorkais aux prises avec l'ouragan Sandy il y a 19 ans et on se dit que New York est une ville phénix. Et dans vos oreilles, aujourd'hui, une ville plongée dans le noir, l'eau qui monte à toute vitesse, des voitures qui flottent, un homme chargé d'évacuer les débris et qui évacue des corps, d'autres qui disent la solidarité, 43 morts, des évacuations anarchiques, une reconstruction qui traîne et des tunnels devenus des torrents. Mais pour commencer, des souvenirs de lumière qui changent et des sons inouïs. Mad Max Apocalypse, New York 2012, ouragan Sandy. Un documentaire de Nicolas Champeau, réalisé par Rafik Zénine. On n'a pas eu le courant pendant 18 jours. On n'avait pas d'eau chaude non plus, pas de chauffage. Il faisait froid dehors. Alors l'eau est arrivée jusqu'au niveau de la barrière, là. Et on a vu des choses qu'on ne pensait jamais voir de notre vivant. Des voitures dans la rue qui flottaient, emportées par le courant comme des bateaux. Yeah, it was bad. C'était grave. I was scared. Moi, j'ai eu peur. Unfortunately, I was one of the people that I saw the water starting to come down, so I wanted to be closer to my mom, and I left. Quand j'ai vu le niveau de l'eau commencer à baisser, j'ai voulu rejoindre ma mère. Mais mes enfants et moi, on a failli se faire coincer par l'eau, parce que je m'étais pas rendu compte qu'elle m'arrivait à la taille. Mais à la fin, j'ai réussi. Et vous aviez vos enfants dans vos bras? Yes, I was. Oui. Ce n'était pas très futé de ma part, mais je ne savais pas que l'eau arrivait si haut. Il fallait que j'aille à l'école de mes enfants pour recharger mon téléphone ou à mon travail. Et d'ailleurs, on est toujours sur les générateurs de secours installés après Sandy. Si vous marchez le long de l'allée là, et que vous prenez à droite, vous les verrez. Pourtant, Sandy, c'était il y a longtemps. Absolutely. Tout à fait. Et il y a tout un tas d'autres choses qui n'ont pas été réglées depuis Sandy. Mon nom est Edward Franco, et ça fait très longtemps que je suis installé à Red Hook, Brooklyn. Pour l'ouragan Sandy, j'étais à la maison, et de ma fenêtre, je regardais l'eau monter et déferler. J'étais au téléphone avec ma sœur, et je regardais la lumière, qui est passée du blanc à l'orange, puis au jaune. Je me suis dit, oula, c'est une baisse de tension, c'est pas une coupure classique. Et j'ai regardé l'eau venir. Et tu sais, toutes ces nouvelles voitures, leurs toits ouvrants et leurs coffres s'ouvrent automatiquement dès que leurs détecteurs sont mouillés. J'ai vu les voitures s'empiler et flotter comme des pommes à la surface de l'eau. Ma sœur m'a dit, bouge pas, je viens tout de suite te chercher. Et j'ai dit, non, j'ai mes voisins, des gens que je connais. Je ne peux pas juste partir comme ça, il faut que je comprenne ce qui se passe. Je suis resté environ une semaine. Et j'ai aidé mes voisins à monter des vivres et des affaires dans l'immeuble d'à côté, car ils habitent au 15e, et tous les ascenseurs étaient en panne. Parce que pendant tout ce temps, en journée, ils distribuaient plein de trucs. Tu as besoin d'une lampe torche? Tiens, prends. Besoin de piles? Voilà des couches. Voilà des serviettes en papier. Prends. et de la nourriture aussi. Le local de l'association du quartier est vraiment un chouette endroit. J'ai vu mes voisins se serrer les coudes. De loin, ça a l'air dangereux, ce quartier. Mais pas pour nous. Entre voisins, on sait qui est qui. J'ai décidé de partir quand j'ai vu de l'air froid sortir de mes narines. Et j'ai vu mon chien respirer cet air froid. Et je me suis dit, le temps est venu d'aller nous installer chez notre tante Collis. Je l'ai appelée, elle est venue me chercher, je suis allé jusqu'à Bay Ridge. Et là, tout est revenu, le chauffage, l'électricité. Et ils distribuaient de la nourriture. Mais je revenais tous les deux jours ici pour vérifier que tout allait bien. La Croix-Rouge était là, Dieu était là. C'était incroyable de voir tout cet amour. Et pas loin de 10 ans plus tard, l'amour est parti, l'amour a quitté ce quartier. Mais j'espère qu'il n'est pas mort. Céline et Edouard, respectivement chauffeurs de bus et électriciens retraités, ont tenu bon dans la péninsule de Red Hook à Brooklyn, l'une des plus touchées par Sandy. L'ouragan a fait 43 morts à New York et des dégâts estimés à plusieurs dizaines de milliards d'euros. C'était en 2012, à la fin de la saison des ouragans tropicaux, le 29 octobre, à moins d'une semaine de l'élection présidentielle. Sandy filait son chemin le long des côtes vers le nord quand une haute pression l'a dévié de sa trajectoire pour le guider dans les terres, cap sur New York. Une descente d'air froid et de fortes marées ont fait le reste. Des vagues de 4 mètres ont avalé le littoral et l'eau s'est invitée dans les tunnels, les artères de la ville et chez les habitants, donnant un avant-goût de l'apocalypse. Le bilan humain a été le plus lourd sur l'île de Staten Island, à 20 minutes de Manhattan en ferry. Staten Island est l'un des 5 arrondissements de New York, en périphérie de la ville. C'est entouré d'eau. C'est une île. Il y a 3 ponts. Les ponts sont la seule façon de rallier et de quitter la ville par voie terrestre. Et en raison de la structure et du terrain de l'île, certaines zones sont en dessous du niveau de la mer. Dennis Canale, membre de l'équipe des urgences de la police de New York à Staten Island. Je travaillais ce matin-là. Ils avaient rajouté quelques patrouilles en renfort. Donc on a travaillé toute la journée et on n'était pas plus impressionnés que ça. Ça ressemblait à une tempête classique, mais la tempête a fait grimper le niveau des eaux en fin de journée avec une telle force et d'une façon si soudaine qu'en un rien de temps, certaines zones de l'île étaient coupées du reste, submergées. L'eau a atteint des pièces au deuxième étage des maisons, largement au-dessus des panneaux de signalisation. Elle a atteint près de 4 mètres de hauteur dans certains coins. Le premier appel qu'on a eu, c'était pour secourir quelqu'un qui était en détresse dans une voiture qui risquait de couler. Et nous, on ne comprenait pas bien parce qu'on était sur l'artère principale. On n'avait pas mesuré que l'eau avait grimpé si haut, mais lorsqu'on est arrivé dans la rue en question, on a commencé à voir des voitures flotter. On a tout de suite enfilé nos combinaisons et c'est seulement une fois nous être rapprochés qu'on a vu l'eau déferler et emporter toutes les voitures le long du front de mer. À ce moment-là, on s'est dit qu'il se passait quelque chose de grave, mais on n'avait aucune idée de l'envergure des dégâts. There were people in the cars. My team went down. We pulled some people out. We got back to the trucks because now the water. Il y avait des gens coincés dans les voitures. Avec mon équipe, on est allé les exfiltrer et on est remonté jusqu'à nos camions parce que l'eau commençait à les atteindre. Et quand on a commencé à s'éloigner du front de mer, notre radio a été bombardée d'appels, des gens coincés dans leurs maisons, coincés dans leurs voitures, coincés sur leurs toits. Et là, on s'est dit, ok, ça va être énorme. Do you have the impression that Staten Island, est-ce que vous avez le sentiment que Staten Island, parce que c'est moins connu, ne bénéficie pas de la même empathie que les autres arrondissements de New York lors de désastres? C'est exactement ça. Je réponds oui à 100%. On nous donne moins d'argent. Staten Island n'a pas la même notoriété, car l'attention se porte en priorité sur la ville. Et la ville, c'est Manhattan. C'est l'arrondissement principal. Dès qu'il y a des initiatives, la ville investit toujours d'abord à Manhattan. C'est lié au tourisme, à la population. C'est là où se trouvent les sources de revenus pour la ville. Staten Island est peuplée en majorité de cols bleus et d'employés de la ville avec leurs familles. C'est une île très familiale. Et le soir de l'ouragan Sandy, à cause du vent et de la pluie, les ponts étaient fermés. Donc, quand on a appelé l'unité des opérations spéciales pour qu'elle nous envoie des renforts, on nous a dit « On ne peut pas aller jusqu'à vous, les gars. Il faudra vous débrouiller seul. » Les résidences de personnes âgées ont été prises au dépourvu. Ramon Rodriguez est le directeur général de l'hôpital Wyckoff, à la lisière du Queens et de Brooklyn, et donc à plusieurs dizaines de kilomètres de l'eau et du danger. L'hôpital Wyckoff est le lieu le plus élevé de tout New York. Du 12e étage de l'hôpital, si l'on se tourne vers l'autre côté de la ville, on voit qu'on est au même niveau que le sommet de l'Empire State Building. Et donc, au pic de l'ouragan Sandy, avec toutes les inondations, la plupart des résidences de personnes âgées, qui sont souvent près de la côte, eh bien, elles ont été complètement inondées. Et donc, ils ont dû évacuer vers des zones plus en altitude. Et nous avons réceptionné des résidents de plusieurs établissements. Ils arrivaient les uns après les autres en ambulance, et on les accueillait avec leurs informations médicales sur des papiers qui étaient froissés dans des sacs poubelles. Donc, ils arrivaient et ils nous tendaient le sac poubelle et on devait fouiller dans les sacs qui contenaient chacun des dossiers médicaux de 20 ou 30 personnes différentes pour trouver le dossier correspondant. Pour certains patients, on n'avait aucun document, aucune information sur leurs médicaments. Parce que la ville n'était pas prête pour un tel événement. Tout était inondé. Le bas de Manhattan était inondé. C'était une énorme tragédie. Nous avons pu nous occuper de ces gens, mais quand vous êtes âgé, que vous habitez une résidence et que l'on vous transfère sans vous dire vraiment où, c'est dur. Et puis beaucoup souffraient de démence, donc c'était vraiment bouleversant pour eux et pour nos équipes aussi. On ne savait presque rien sur leurs besoins et les soins qu'ils recevaient au quotidien. Alors, ça arrive. Mais dans le cas de Sandy, c'est arrivé à des centaines et des centaines de personnes. Et je crois que les gens ont appris une leçon. Après coup, tout paraît évident. Mais quand on est au cœur du désastre, il y a trop de choses qui se passent en même temps. Le 11 septembre a réorienté les priorités, pour le meilleur ou pour le pire. Et on s'est concentré sur les risques terroristes et moins sur les risques naturels. Klaus Jacob est géophysicien et membre de l'Institut de la Terre de l'Université de Columbia. Nous avions lancé un ambitieux projet de recherche pour évaluer la vulnérabilité des systèmes de transport en zone urbaine face à l'augmentation du niveau de la mer et du changement climatique. Et je souhaitais que les autorités portuaires de New York et du New Jersey nous communiquent les données de leur inventaire technique, car elles sont en charge des ponts, des voies souterraines. Des ports, des aéroports, des tunnels, et nous avions besoin de données techniques. Les élévations minimales pour estimer la pénétration de l'eau, les dimensions des ouvertures, etc. Certaines de ces données sont sensibles. et convaincre ces organisations n'était pas facile. But also city agencies and state agencies like the MTA, the Metropolitan Transportation Authority, that runs the subway. Les autorités portuaires, mais aussi les agences de la ville et de l'État, comme l'Agence métropolitaine des transports, MTA, qui gère le métro, les fournisseurs d'électricité, Con Edison, le secteur de la communication, AT&T et Verizon, tous ces opérateurs d'infrastructures. Nous les avons conviés à participer à une étude d'impact du changement climatique. Et cette étude a été repoussée de plusieurs années. Nous avons fini par la publier en 2011, l'année avant Sandy. Et nous avons dit aux acteurs très précisément quel tunnel sous la rivière Hudson et sous l'East River, quelle voie de chemin de fer souterraine, quelle voie de métro souterraine, voie routière souterraine. Nous leur avons dit celles et ceux qui seraient inondés et à quelle vitesse, parce que nous avions des données, les dimensions, et nous avions des représentations en 3D sur nos ordinateurs. Mais nous avons dû nous contenter de résultats préliminaires, car certains acteurs n'avaient pas joué le jeu à 100% pour ces simulations. Parce qu'il y avait des gens qui ne souhaitaient pas nous fournir certaines données sur la localisation précise de tel ou tel ventilateur. Parce que ces données, selon eux, risquaient d'être utilisées à mauvais escient. Donc, le risque était un peu sous-estimé par les politiciens et les administratifs. La communauté des ingénieurs, qui s'était beaucoup impliquée, n'avait aucun doute en revanche. Les ingénieurs ont vu, ils ont réalisé que ce n'était pas de la blague. L'autorité des transports MTA avait lu le rapport. 24 heures avant l'arrivée de Sandy, elle avait fermé le métro, retiré les installations électriques des tunnels et placé les rames en hauteur et au sec. Sans ces décisions, les 5 millions de New-Yorkais qui prennent le métro tous les jours auraient été coincés un mois et non une semaine. Les vagues, en revanche, ont eu raison de la centrale électrique du fournisseur Con Edison au niveau de la 14e rue à Manhattan. La centrale a explosé. Melanie Travis est une jeune chef d'entreprise franco-américaine. Pendant Sandy, j'avais un petit appartement à Williamsburg, Brooklyn, donc juste l'autre côté du pont à arriver à Manhattan. Il y avait beaucoup de bruit, avec le vent qui tapait, la pluie, et mon chien, qui était beaucoup plus jeune, là, avait très peur. J'ai une photo d'elle, je pense, juste avec ses oreilles dans l'air, pendant que Sandy frappait sur les fenêtres. Et puis, c'était quand? C'était le soir même ou le jour après que l'explosion du truc s'est passée? De la centrale électrique? Oui, c'est le jour après le centre électrique sur le 14e rue. Et le 14e rue de Williamsburg, c'est exactement de l'autre côté de la rivière. Tu le vois, enfin, c'est juste là. C'est assez proche jusqu'à la rivière entre deux. Et il y avait l'explosion et ça plongeait tout Manhattan sous la 14e ou peut-être sous la 25e rue dans la noire, enfin c'était complètement noir. Et j'ai plein d'amis qui habitaient dans le Lower Manhattan à ce moment. Donc en fait, j'ai pris ma voiture, j'ai conduit sur le pont, arriver à downtown Manhattan sur le pont, qui normalement il y a tout le bruit et les lumières et c'est vraiment l'entrée de ville le plus fantastique. C'était noir, on voyait rien. C'était choquant de conduire sur le pont et arriver à Manhattan comme ça. Et j'ai rencontré mes amis sur un coin c'était complètement noir. Je pense que c'était un Starbucks ou quelque chose. On s'est rencontrés à Starbucks, c'était fermé, tout était fermé. Et je l'aurais pris chez moi à Brooklyn parce que là, on avait les lumières, il y avait l'électricité. On a sorti à un bar, pour boire des bières et regarder l'île de Manhattan où on voyait lumière. Et puis, pouf, complètement noir, comme si le bas de Manhattan a tombé dans l'eau. Et c'était vraiment... j'avais jamais vu quelque chose comme ça. Et ils ont resté chez moi jusqu'à ce qu'ils avaient l'électricité. Et vos amis sont restés combien de jours chez vous? Mes amis, ils ont resté 3-4 jours chez moi. Et puis ils ont rentré. Je ne me souviens pas si l'électricité avait retourné, mais je pense qu'ils avaient envie de rentrer et vivre un peu ce truc dans Lower Manhattan. C'était une chose à vivre ensemble. Et est-ce que vous vous souvenez de est-ce que ça a généré des conversations sur l'environnement, sur je ne sais quoi, pendant ce séjour où vous étiez à 3-4 dans votre petit appartement le soir? L'environnement comme, like global warming type things? J'aimerais dire oui, mais non, enfin, on travaillait et on sortait le soir et on pensait, le lait dans le frigidaire va... On n'était pas très sophistiqués, donc on n'a pas vraiment parlé de ça, non, pas vraiment. Je reconnais maintenant, bien sûr, que global warming et tout ça, ça contribue à plusieurs désastres qui se passent à New York, mais, enfin, je fais rien vraiment pour ça. Enfin, c'est juste ça. Je sais que en habitant dans une petite île près de l'océan, ça, c'est peut-être pas le. Il va avoir des désastres. Et c'est juste comme ça. Mais on va partir quand on a besoin. On prend nos affaires. Je sais pas. On a acheté une voiture pendant Covid. Ça, c'est. J'avais une voiture il y a 10 ans, enfin pendant Sandy. Mais depuis, j'avais pas de voiture parce que t'en as pas besoin à New York. Et là, maintenant, on a acheté un il y a 6 mois parce que comme ça, c'est plus facile de partir. Pour Time Magazine, Paul Moakley a travaillé avec les meilleurs photographes sur l'île de Staten Island, où il habite. Des photos de maisons littéralement soulevées par les bourrasques et déposées à 200 mètres au milieu d'un champ. Mais l'image que retient Moakley, c'est le noir à Manhattan. Sandy's complicated. Sandy, c'est compliqué. Sandy was really interesting because we had another hurricane before it called Irene. Sandy, c'est vraiment intéressant parce qu'on avait eu une autre tempête l'année précédente, la tempête Irene. Et tout le monde avait évacué. Les gens s'étaient bien préparés. Mais pour Sandy, ils se sont dit, on ne va pas bouger parce que Irene, ce n'était pas si grave en fait. Donc pas mal de gens sont restés sur place et se sont mis en danger. Mais à la rédaction de Time, on était très inquiets. Et on a décidé de camper dans les bureaux du département photo de Time Magazine. Et on a réservé des chambres d'hôtel à côté de Times Square. Et on a décidé que ce serait vraiment intéressant de raconter l'histoire sur Instagram. Instagram était vraiment nouveau à l'époque. Et donc, on a embauché 5 photographes que l'on a déployés sur différents sites de New York, du New Jersey et du Connecticut pour qu'ils puissent suivre le chemin de l'ouragan. Je suis plutôt quelqu'un de modeste. Mais là, c'était la première fois qu'un média pensait à raconter un événement sur Instagram. Comme ça, sans filtre. En direct. On a eu beaucoup de chance car nos photographes étaient vraiment postés sur les lieux de passage de la tempête. Et donc pendant 2 jours, on a dormi dans la rédaction pour réceptionner les photos. Nos photographes travaillaient 24 heures sur 24. Nous aussi, on restait debout. Et je me souviens qu'à un moment, on était dans le bar d'un hôtel tard le soir. On prenait tous un verre car il n'y avait rien d'autre à faire. Et tout à coup, Les lumières se sont éteintes sur une partie de la ville. C'était une expérience très troublante. Une énorme centrale électrique sur le côté est de la ville a explosé avec l'inondation. La vidéo de l'explosion est devenue virale. Et c'est donc cette explosion qui a fait qu'il n'y avait plus de courant dans la moitié sud de la ville. Et donc cette photo sur la couverture du New York Magazine est dingue. Elle a été prise par Erwan Ban. C'est un photographe d'architecture qui a eu la bonne idée de grimper dans un hélicoptère pour prendre des photos. Et cette photo capture New York à un stade d'extrême vulnérabilité, en blackout. C'est une image obsédante. On voit l'eau inonder les artères de plusieurs quartiers de la ville. Les rares lumières allumées sont assez sinistres. On a l'impression que la ville est devenue un marécage. C'est les Everglades. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que l'on voit précisément sur cette photo? Bien sûr. Alors on voit la pointe de Manhattan, qui abritait les tours jumelles. Il y a une petite partie du quartier de la finance qui est allumée. Mais en gros, la moitié sud de Manhattan est complètement plongée dans le noir. Et ensuite, on voit là où il y a encore de la lumière dans le nord. Mais ça vous montre à quel point l'une des plus grandes villes du monde peut être vulnérable. Et ça nous amène à réfléchir sur notre futur et ce qui arrive au climat. C'est vraiment une photo obsédante. On a l'impression que la ville vient d'être brûlée et qu'une traînée de cendres a éteint la lumière. John Scrivani est le commissaire chargé du département des urgences à la mairie de New York, un grand département. Il était responsable de la gestion des cadavres et de l'évacuation des débris durant Sandy. Vous savez, il y avait beaucoup d'endroits qui étaient inaccessibles au cours des premiers jours à cause des inondations. Parce que les eaux rentrent, mais elles ne se retirent pas tout de suite. Et elles gagnent les maisons, les caves. Les gens ne se rendent pas compte. Une fois que l'eau déferle au-dessus des dunes de sable, elle ne se retire pas tout de suite vers l'océan. Ça prend du temps. Donc il a fallu pomper dans plusieurs quartiers. Il y avait une zone de Staten Island où il fallait monter dans une barque pour gagner les maisons et évacuer les cadavres. There were a few homes where the basements were flooded and we had to pump out the basement. We knew that there was somebody down there. Il y a plusieurs maisons dont les caves étaient inondées et il fallait pomper la cave. On savait qu'il y avait eu quelqu'un dans la cave. Pumping out basements to do, you know, recoveries, it just makes things more challenging. Also, when you start to send team members, et quand vous devez pomper des caves pour retrouver les cadavres, c'est toute une opération qui implique plusieurs métiers, parce qu'il y a la police, les pompiers, parfois le médecin légiste. Because even though it's, you know, parce que même si nous présumons que les gens sont morts, il faut que les médecins prononcent leur décès avant de pouvoir évacuer les cadavres. Et parfois, les policiers devaient s'assurer que la personne n'était pas décédée avant la tempête. Donc, il y a de nombreuses composantes dans ce type d'opération. La gestion des morts en post-ouragan, les gens ne se rendent pas toujours compte. On ne fait pas ça pour les morts. On le fait pour les vivants. L'identification des cadavres nous permet de les restituer à leurs proches. Le Time Magazine, d'ailleurs, a fait un très bon article qui repose sur un reportage au bureau du médecin légiste pendant le Covid. Et l'article est intitulé « Nous le faisons pour les vivants ». Débris management est quelque chose completely different. That is, you know, and debris management is not just trees. La gestion des débris est quelque chose de très différent. Il ne s'agit pas que des arbres. Il y a les débris des chantiers. Pensez à tout ce que vous avez dans votre maison. Et pensez maintenant que l'eau a tout emporté dans la rue. Votre frigo, votre climatisation, votre lave-linge, votre sèche-linge, votre chauffage, vos meubles, vos habits, tous les liquides chimiques de nettoyage sous l'évier qui sont un cauchemar dans ce cas de figure. Et aussi les voitures, les bateaux et tout le reste rejetés sur le rivage. Ça fait beaucoup. It's a lot, you know, and just the boats that sink out in the water because they flooded and now they're in the bottom. Rien que les bateaux qui ont coulé parce qu'ils sont pleins d'eau. Eh bien, ils sont pleins de fuel aussi. Il faut aller les repêcher et tout pomper. It's an arduous process to deal with it. C'est un processus laborieux et vous n'avez aucune idée du nombre de bateaux à New York jusqu'à ce qu'ils soient tous échoués sur les routes. Comment dégager une route quand il y a des vaisseaux de 9, 10, 12 mètres au milieu de la chaussée? On ne peut pas faire appel à un remorqueur, donc il faut les dégager avec des bulldozers dans un premier temps, puis ensuite les évacuer à l'aide de machines. These are people's personal property, so you try to treat them, you know, respectfully. Et ceux qui ne sont pas trop endommagés, on essaye de faire attention parce que ces bateaux sont la propriété des gens. Donc on essaye d'en prendre soin pour qu'ils les récupèrent. Donc on utilise des grues et des camions plateaux. Donc les bateaux, c'est vraiment un défi. Les voitures aussi. Tout ce qui a un titre de propriété, en fait. Parce qu'ils sont assurés, on doit les identifier et remonter au propriétaire pour qu'il puisse lancer une procédure avec son assurance ou l'abandonner. Le gouvernement fédéral, l'État de New York et la ville ont injecté des dizaines de milliards d'euros pour les réparations post-Sandy. Il a fallu près de 10 ans pour renforcer les tunnels de métro sous l'East River. La ligne de métro, elle, a failli être sacrifiée. Les travaux ont commencé avec beaucoup de retard dans les immeubles HLM du quartier Red Hook de Brooklyn, où habite Edward Franco. With the Hurricane Sandy relief, they're going to put a whole... Avec l'argent du projet Reconstruire après Sandy, ils vont construire une petite centrale électrique et une chaudière capable de résister aux inondations. Parce qu'ils ne veulent pas du tout qu'il y ait de nouveau des coupures de courant à Red Hook. Mais j'ai dit aux flics, maintenant c'est un territoire en embuscade ici. Les gens peuvent venir t'attaquer de tous les côtés. Hey, salut, comment vas-tu, ma belle? Tu vois, je connais tout le monde ici. You see what they're doing here? They got rat holes with all the pipes, everything being changed. I was just talking to the cop. He said, donc ce qu'ils font ici maintenant, ils ont creusé pour changer les canalisations. Et je disais aux flics, c'est pour ça que tu as tant de fusillades à Red Hook. And unfortunately, like I say, I know a lot of 8 morts rien qu'au cours des 5 premiers mois de l'année. Et c'est triste de voir des gens mourir, surtout quand ils sont bien plus jeunes que toi. It's ambush hood. It became an ambushed hood now. Mais c'est le paradis des embuscades, parce que tu as du matériel de construction partout, des tranchées qui sont creusées partout, et tu peux surgir et prendre facilement les gens par surprise. C'est triste, parce qu'après l'ouragan Sandy, les choses se présentaient pas trop mal. Aujourd'hui, ils investissent un demi-milliard de dollars. Ils ont un an de retard sur leur programme. Et c'est triste de vivre au milieu d'un chantier. Il y a de la terre, de la poussière partout, même chez moi. Je disais aux flics, il y a tellement de terre sur mes commodes que je pourrais mettre une graine et sous peu j'aurai une plante. Et je lui ai dit, mais j'habite ici, moi. Et les logements sociaux au loyer accessible, je crois qu'ils vont plus durer très longtemps ici, ils vont arrêter. As time goes on. You think so? Yeah, I do. I honestly feel that they're fixing this place up, not for the people. Écoute, ils réparent le quartier, mais ce n'est pas pour nous. How many more years we're going to be here? You understand? So, la plupart des gens ici sont vieux comme moi. On ne va pas durer très longtemps. First project apartment. Mais bon, moi j'ai eu mon premier HLM ici il y a des décennies de ça. C'est un chouette quartier. Et l'ouragan Sandy l'a prouvé. Malheureusement, il n'y a pas de travail. Les gens attendent leur chèque de la sécu. Ils ont quelques dollars en poche, mais ils ne les dépensent pas au bon endroit. Jill Eisenhart est responsable de la Red Hook Initiative. Les locaux de son organisation non lucrative ont été épargnés par les coupures de courant et ont servi de quartier général pendant Sandy à Red Hook, au cœur du plus grand parc HLM de Brooklyn. Lorsque les lumières sont revenues et que l'on était techniquement sorti de la crise, il y a eu tant de réunions ici. L'État a envoyé des gens pour demander s'il fallait bâtir une digue et comment réparer. La mairie a envoyé des gens pour présenter leur programme. Les agences du logement sont venues pour nous assurer qu'elles avaient aussi un programme. Et tout le monde voulait soudainement échanger et consulter la communauté au sujet du programme pour être prêt la prochaine fois. Wanted to engage people from the neighborhood to come up with a plan so they would be prepared next time. And I think in the beginning, residents said, et au début, les gens ici étaient enthousiastes. Ils tenaient à partager leur expérience. Mais si tu voulais, tu pouvais participer à une réunion par jour, y compris le week-end, pendant 6 à 8 mois. Donc les gens ici, au bout d'un moment, ont dit, vous savez quoi? Je ne veux plus en parler. Et ils ont commencé à se demander s'il allait vraiment se passer quelque chose de concret. Ils se demandaient si ces réunions n'étaient pas juste là pour permettre aux autorités de cocher une case et de dire « Nous avons échangé avec la communauté ». Et d'ailleurs, personne n'a présenté de vrai programme. Et est-ce qu'une digue a été érigée? Non, pas mal d'argent a été provisionné. À l'heure actuelle, alors que ça s'est passé il y a 9 ans, l'agence du logement effectue encore des réparations sur les toits. Il y a encore les mêmes chaudières temporaires. Neuf ans après, moi, je ne sais pas si l'on peut encore appeler ça du temporaire, car les futures chaudières sont en train d'être installées. Donc là-bas, tout est derrière un grillage en 2021, alors que Sandy, c'était en 2012. Ils accélèrent un peu, car ça a fait beaucoup de mécontents, donc ils sont sous pression. Et on avait demandé aux habitants, avec le Covid, de respecter les distanciations et de ne pas se retrouver dehors. Mais il n'y avait nulle part où aller, car ils ont mis tous ces grillages partout pour les réparations des choses endommagées par l'ouragan Sandy. Et la lenteur des réparations est liée à la faiblesse des revenus, selon vous? Absolument. I mean, if this were a sans aucun doute, si l'on était une communauté dans un autre quartier de New York plus aisé, jamais la mairie n'aurait toléré qu'il y ait tant de choses non réparées 9 années plus tard. Tout tourne autour de la race, de la richesse, des revenus et du pouvoir. Y a-t-il eu des manifestations? Oui, des manifestations, des conférences de presse pour demander combien de temps ça prendra pour réparer, où est l'argent. Il y avait le problème de la moisissure qui avait empiré selon les gens ici après Sandy à cause de l'eau dans les bâtiments et dans les caves. Nous avons fait venir des équipes pour faire des prélèvements de moisissures et établir un lien avec Sandy. Il y a eu des recours collectifs pour prouver le lien avec Sandy et permettre à des subventions spécifiques d'être débloquées. Mais le gouvernement demandait, mais est-ce uniquement lié à l'ouragan? N'y avait-il pas déjà un problème avec la moisissure? Et ces discussions ont retardé tout le processus. On distribue ce go-bag souvent lors de nos événements. C'est vraiment un exemple pour montrer aux gens quelles affaires ils doivent mettre dans leur sac. La saison des ouragans commence début juin et court jusqu'à la fin du mois de novembre. La ville de New York lance ses campagnes de sensibilisation dès le mois de mai. John Scrivani, commissaire en charge des urgences à la mairie de New York. Il s'agit de matériel d'urgence classique. Il y a les masques. Avec le Covid, des restrictions ont été levées, mais il peut y avoir des obligations à porter un masque dans les centres d'hébergement d'urgence. On a bien sûr la lampe torche, une petite radio, c'est toujours important. Un poncho pour la pluie. Disinfectant wipes, which is also good now. Des lingettes désinfectantes. Une petite pharmacie. Basic sanitary items, soap, toothbrush, toothpaste. Du savon, dentifrice, brosse à dents, des mouchoirs. And then we have the Ready New York information right in here for people. So the information of how to get yourself notified in case of an emergency. Et puis on a aussi des brochures Ready New York, Prêt New York. Pour se faire recenser et se signaler, on a notre propre bande dessinée avec notre héroïne Ready Girl et d'autres brochures dans des langues différentes sur notre programme Ready New York. Et quand est-ce que ce concept de zone d'évacuation a été décidé? So Ready New York started, I believe, in 2003. Ready New York a été lancé en 2003, dans un contexte post-11 septembre. Il fallait demander aux gens d'avoir un go-bag et d'être prêts à partir. Ce qu'on a observé avec Sandy, c'est que les gens qui s'étaient préparés selon nos instructions et qui étaient prêts à quitter leur maison s'en sont bien mieux sortis que ceux qui n'avaient rien fait pour être prêts. Si tu n'es pas prêt à partir, surtout si tu résides dans l'une de nos zones d'évacuation, tu risques de passer une mauvaise journée. La ville comporte 6 zones potentiellement visées par des évacuations. 2 millions de personnes sont concernées en tout. Mais c'est assez large. Nous, on se concentre vraiment sur les zones 1 et 2, qui couvrent 850 000 personnes près de la côte. Les 5 arrondissements de New York comportent des zones 1 et 2, mais le Bronx et le nord de Manhattan sont moins concernés. C'est surtout le Queens, Brooklyn, Staten Island et le bas de Manhattan. Nous avons un programme de transport pour les gens peu mobiles, des contrats de bus. Nous essayons d'identifier ces gens en amont, quand il fait beau comme aujourd'hui. Et puis la carte des zones change, c'est le cas cette année. Au fur et à mesure que notre base de données gagne en précision et que l'on améliore nos projections, on modifie les zones. Donc les zones 1 et 2 s'agrandissent cette année et concernent 100 000 personnes de plus à New York. On a un portail Connais ta zone qui est en ligne. Les gens tapent leur adresse et voient dans quelle zone ils se trouvent. Et on envoie des courriers aux gens, des SMS, des publicités sur les bus et aux abribus. We have to put forward a massive effort to make sure that anytime we make a change like this. C'est une grosse opération, un gros effort à chaque changement de ce type, car le mécanisme Connais ta zone est important. Et l'autre chose, c'est que 200 langues différentes sont parlées dans la ville. Donc des messages en anglais et en espagnol, ça ne suffit pas. Donc nous avons traduit nos brochures dans 14 langues, et nous avons la possibilité de déployer des interprètes lors de nos opérations de porte-à-porte. Claire Weiss est architecte et urbaniste. Nous nous sommes retrouvés à la pointe sud de Manhattan, au Battery Park, que son agence a dessiné. Elle a été lauréate de plusieurs concours d'architecture post-Sandy. Post-Sandy, there is no one. Post-Sandy, designing. Plus personne ne dessine de lobby d'immeubles sous le niveau centennial. Et c'est lié à de nouvelles règles, mais aussi à une prise de conscience. Donc maintenant, il y a de plus en plus de rampes et d'élévations qui conduisent à des lobbies en hauteur. And what I would say is there's more and more buildings and projects. Il y a davantage de projets et d'immeubles. Et c'est encore plus le cas avec le Covid, qui ont incorporé le besoin de l'extérieur, du dehors. Dans les années 70 et 80, on pensait que les meilleurs lieux étaient à l'intérieur des immeubles. Mais depuis le projet de la promenade surélevée High Line, depuis la rénovation du Battery Park et du parc de Brooklyn, les promoteurs immobiliers dans le privé comprennent la valeur du dehors, la plus-value apportée à leurs bâtiments. Si tu regardes tous ces vieux immeubles de bureaux ici, dans le bas Manhattan, qui comprennent d'énormes atriums, ils s'inscrivaient dans une philosophie qui consistait à ignorer la nature et ignorer les gens. Ils voulaient autoriser une seule catégorie de gens à l'intérieur et maintenir les autres dehors. Avec Sandy, les gens se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas garantir que l'eau ne rentrerait jamais dans les meubles. Et puis, ils ont compris aussi l'avantage de l'eau. Donc, le système de ferry dans la ville, par exemple, a été important. Parce que, pour le prix d'un ticket de métro, on peut rejoindre une autre partie de la ville en bateau, ou même habiter d'un côté et se rendre au travail en bateau sur l'autre rive. Et je pense que c'est un changement important. Cela n'a pas d'impact direct sur le dessin de tous les bâtiments, mais ça a eu un impact sur de nombreux immeubles et de nombreux parcs. Le parc Domino, par exemple. Le parc Army Terminal n'aurait pas pu voir le jour avant Sandy. Car avant Sandy, tout le monde pensait qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait au rez-de-chaussée. Après Sandy, les règles ont changé, mais aussi on a compris que l'on ne pouvait plus installer des équipements de valeur au rez-de-chaussée. On a dû repenser les rez-de-chaussée, et on le voit un peu partout à New York. And I think you can see that evidence of that all over the place. Incredible. They're all taking B-roll, I hear, these helicopters. Les hélicoptères font des rotations, est-ce que j'ai compris? Ils déposent des gens à leur travail. Il y a beaucoup de gens qui vivent à la campagne et qui se font déposer en ville. Et c'est votre cas? Oui, bien sûr, tu l'as vu, sauf que mon hélicoptère a deux roues et un guidon. Les gens se déplacent en bateau aussi. On a devant nous le ferry de Staten Island qui va accoster. Il y a encore pas mal de cargo dans le port. Going back to Sandy, and this is where you kind of realize to what extent. Et pour revenir à Sandy, c'est encore une preuve de la diversité de New York. Vous avez été approché pour remplacer les promenades de Rockaway et Far Rockaway, qui ont été endommagées par Sandy. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les dégâts à Rockaway, notamment? Oui. At least, I think it's true all over the world, but beaches tend to have, and you know, starting with. Les plages, c'est le cas à Coney Island et dans les Rockaways, mais dans le reste du monde aussi, souvent les plages ont une promenade en bois tropical et des jetées. Donc là, je regarde droit devant moi, je vois le port et un énorme ferry qui vient de Staten Island nous arrive dessus. Mais si je tourne la tête complètement à gauche, je vois deux îles barrières en ruban. L'une est Coney Island, l'autre est Rockaway. Rockaway est très étendu. Historiquement, les Rockaways ont connu différentes phases liées à la rénovation urbaine. Elles étaient d'abord habitées par des communautés qui habitaient des bungalows. Il y avait un parc d'attractions et tout était centré autour de la plage. Ces communautés étaient vulnérables. Et puis elles ont accueilli des populations vulnérables, des maisons de retraite, il y avait de l'habitat social. Donc c'était des populations vulnérables, isolées, mais qui malgré tout habitaient à la plage et pouvaient se rendre au travail en ville. And so what happened is that 5.5 miles of hardwood boardwalk literally took the brunt. Et ce qui s'est passé, c'est que 9 km de promenade en bois ont subi Sandy de plein fouet. Il y a eu une panne de courant, un incendie à une extrémité de la promenade. L'essentiel de la promenade a volé en éclats quand la dune de sable s'est déplacée de 3 pâtés de maison vers l'intérieur. La promenade ressemblait à un pont dévasté et formait comme une vague. On nous a demandé de reconstruire une promenade dans un autre matériau que le bois et d'utiliser du béton et de rebâtir à 3 mètres plus haut et de faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de maintenance avant 10 ans. To make sure that what we designed wouldn't have to be maintained 10 years from now. So it was a very quick project. C'était un projet mené au pas de charge parce que la promenade était un lien social. Il fallait que tout le monde fasse des efforts pour tenir compte du souhait de la communauté pour qui la promenade était source de fierté et qui voulait que les gens puissent la reconnaître tout de suite en photo et même depuis les avions qui survolaient l'aéroport de JFK. Donc, on a dessiné une structure préconstruite en forme de vague et la couleur, au lieu d'être de la couleur du béton, est couleur sable pour avoir l'impression que l'on marche sur du sable. Et puis, on a demandé à une graphiste d'insérer des inscriptions et des motifs en bleu. Et je ne sais pas si d'autres sont déjà parvenus à créer un béton avec un tel bleu, mais c'est vraiment un bleu profond sur toute la structure. Et j'y suis retournée en vélo l'autre jour et c'est encore un bleu criant. Je pense qu'il n'y a pas de règles en réalité. De manière générale, on doit construire plus haut, les bâtiments doivent être plus hauts, les rues plus hauts, les rebords plus hauts. Edges will have to get higher. You know, sometimes I think there's another challenge. Et il y a un autre défi. C'est de trouver un moyen de faire comprendre aux gens ce qui se passe. Comment faire comprendre comment rappeler aux gens le niveau de l'eau au moment de Sandy. Si l'on regarde autour de nous, ce serait peut-être pas idiot de mettre des marques sur des lampadaires ou des colonnes, de sorte que les gens se disent « qu'est-ce que c'est que ça ?»« Ah d'accord, l'eau est montée jusque-là. » Depuis Sandy, il y a eu Matthew, Sally, Isaias. Ce n'est pas fini. Les prénoms des cyclones et ouragans peuvent être de nouveau utilisés après 6 ans. Ils peuvent être retirés sur demande lorsque les dégâts matériels et psychologiques risquent de réveiller des douleurs. Sandy, bien sûr, a été retiré de la liste et a été remplacé par Sarah en 2018. Alors cela ne règle pas du tout le problème de la vulnérabilité de New York. Le géophysicien Klaus Jacob a une idée. Je pense que les lieux qui conviendraient pour les premières délocalisations seraient des quartiers résidentiels à faible altitude qui ont une faible densité. On ne peut pas commencer par le bas Manhattan et le quartier des finances parce que la densité est trop élevée pour déménager tout le monde. Donc pour ces quartiers, il faudrait bâtir des protections pour contenir la montée des eaux. Mais, d'un autre côté, cela permet juste de gagner du temps. Ces quartiers ne pourront pas être éternellement sûrs, même avec des murs. Forever, meaning with continued sea level rise. And so, Donc, on peut s'acheter un demi-siècle, peut-être, un peu plus, en protégeant des lieux comme le bas Manhattan. Mais on ne peut pas faire ça sur les 800 kilomètres de côte de New York. Donc, il faut aborder le problème d'un point de vue stratégique. Quelles sont les populations les plus faciles à déplacer et à mettre hors de danger? Les quartiers résidentiels à faible densité sont sans doute un bon début. Les Rockaways seraient une bonne idée. Red Hook à Brooklyn aussi, et puis Coney Island qui est connu pour ses parcs d'attractions et ses plages. And beaches would be another one. And so, where do all these people go? Et ces populations, elles iraient où? Well, to higher locations. Eh bien, sur des zones plus hautes. There, when you look at a map. Et si vous prenez une carte de New York, we have higher locations. Il y a des sites en altitude. We have Staten Island goes up to 300. Staten Island a des endroits qui s'élèvent à 90 mètres. Le haut de Manhattan est à 100 mètres d'altitude. Et enfin, il y a des endroits intéressants à New York. Et quand on regarde la carte, on se demande, mais pourquoi ces endroits ne sont-ils pas habités? Il n'y a pas de route, pas de maison. Ce sont des sites en altitude, parfaits pour des programmes immobiliers. Et de quoi s'agit-il? Ce sont des cimetières. Je ne serais pas surpris si une pression était exercée sur ces cimetières détenus par des personnes privées pour qu'ils abritent des programmes immobiliers. On verra si cela se produit. Peut-être pas de mon vivant, mais dans 50 ans ou plus, je ne serais pas surpris que l'on ait un Wall Street sur le site d'un ancien cimetière. Les morts ne verraient pas d'inconvénient à échanger leur place avec des vivants. Mad Max Apocalypse, New York 2012, Ouragan Sandy, un documentaire de Nicolas Champeau, réalisé par Rafik Zénine. Mixage, Valérie Lavallard. Documentation, Anne-Lise Signoret. Doublage, Régis Royer, Raphaël Kraft, Thierry Beauchamp, Olivier Martineau, Antoine Beauchamp et Anne de Peufeyou. Coordination, la série documentaire, Perrine Kervran et Marie-Vonne Abolivier. Merci à Marc Mazawa. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter après l'orage, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Anaïs Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter au bon moment, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, dernier épisode, New York, Covid capitale. Mais en attendant, restez à l'écoute.